père Colo. On n'est pas né sous la même étoile. Mon fils de l'histoire, partout comme ton propre père, tous son parent. Rien à foutre. Du mal financier, j'ai toujours été pauvre. Au fond, c'est tout ce que je sais. Pauvre de moi, pauvre fou, pauvre de nous, pauvre de toi. Fils de Paul, on l'est tous. En commençant par toi, mon père a sué dans les mines. Ta mère à l'usine, ton frère vive les chines. Et toi, t'es dans l'abîme, fils de Polo. Mère au foyer, père alcoolo. Faut de la maille, donc l'école va fond coulo. Parce qu'on a toujours été beau. On est les plus à plaindre, parce que les plus à jeunes, parce que les plus à craindre. Vivant dans leurs contraintes, leur système nous éreinte. Soumis à leur astreinte, et eux vivent de leur rente. On n'est pas né sous la même étoile. Ta tête est couverte pépite, la mienne d'épines. Mon cœur palpite, c'est palpable. Qui des siècles on vit sur pavé. On va pas changer le monde en le temps des pavés. Les hommes, les égaux, on croit à l'endroit où il est. Fils de Polo, mère au foyer, père alcoolo. On n'est pas né sous la même étoile. Vos grands fils de l'histoire battent tout comme nos propres pères. Attention, les hommes, les égaux, on croit à l'endroit où il est. Du cœur pauvre, pêcheur, esclave de tous les peuples. C'est l'argent qui fait les races. Je suis pas né d'enfant. Fils que nous sommes au propre de nos propres pères, plus loin que proches de nos frères, aussi sales que propres. Comme tout le monde, je rêve aussi. Car la vie c'est aussi ça, ouais. Toujours official, t'as vu. Je vis, je baise, je baise, mais je suis toujours aussi sale, noir comme nègre. Pourtant, je suis noir comme neige, mais peu importe, je suis noir. Et je dois me battre tout comme nos propres pères 400 ans auparavant. Putain, ça me les casse, moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur avec un maigre putain, putain. Je veux des sardines pour dîner. Ma vie c'est hard, pourtant je suis hardi. Que je me gare si je m'égare par mes gars. Esclave de tous les peuples, n'espère pas. Si je veux, ce sera la war. Et je black pas, black power. Pas l'affaire, te laisse pas faire. Regarde l'état de ton père chaque jour. Me répète ma mère, Seigneur, je prie pour ta miséricorde. Car la richesse de l'esprit, toi seul l'accorde. Pas de fossiles ni de marteau. On est passé de Mars au Brax. Et c'est l'argent qui fait les races. In God we trust. Le dollar, l'Afrique trust. L'Europe se contente du reste. Les deux sous table dans la veste. On nous chasse, on casse les gens par quatre. Pas de paillettes et de traces. J'suis pas né dans le phare. J'suis le bas. Pour pas passer de vie à trépas, être une pas. Z pauvre n'est pas la solution, mais peut-être le problème. Car c'est la lutte des classes, puis nos premières classes. L'argent à finir en les gens lâches.